Écoutez ici le son des vacances. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Hello, bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. Comme tous les vendredis et samedis soir, 21h, 23h sur Sorgia FM. Direction l'Irlande avec les Cranberries. Voici Dream dans les années 90. Bonne soirée à vous. Mix le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM.

Le mix de Ludo. Then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Oui, c'est ça le mix de Ludo. 2 heures de mix non-stop. Des souvenirs, des nouveautés. Et même des petits messages comme ça. Bonne soirée à vous. Bon anniversaire à ma cousine qui fête ses 43 ans aujourd'hui, je crois. Et voilà. Cécile, je te fais de gros bisous. Voilà. Des gros bisous en direction de Normandie. Et voilà. Bonne soirée à vous. Le mix de Ludo, le vendredi et samedi, 21h-23h. Thank you. Le mix de Ludo. I'm the first in line. I avoid the truth to live a little lie. 'Cause my problems aren't problems if I keep them quiet. Take your tears and your troubles too. You can put them on me. I can carry the weight for you. I'll be strong when you're weak. Lean on me when I'm at the bottom. Lean on me. First aid kit. I don't mind the clarity. I think I miss. Knowing you feel better, I feel better just like this. Take your tears and your troubles too. You can put them on me. I can carry the weight for you. I'll be strong when you're weak. Lean on me when I'm at the bottom. Lean on me. Sexy and I know it. Yeah. this is how I roll. Animal print pants out the draw. Red food with the big ass ball. The life food free ride like the time. Show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. What if it's down, down, down, le mix de Ludo. Down.

Maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? C'est bon ça, hein. Digicass, Scooby-Doo Papa. Pas trop fait chier pour le titre, hein. Scooby-Doo Papa. Oh, Scooby-Doo. Souvenirs des années 80, remixé. Voici Kate Bush. Ça va vous dire quelque chose, je suis sûr. Le mix de Ludo continue. On a encore un petit peu plus d'une heure à passer ensemble. Faisons les choses bien. Comme d'hab. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé.

Touch you, wanna feel you, wanna et le samedi à 21h sur Sorgi FM. C'est le mix de Ludo qui vous emmène. On a encore moins d'une heure à passer ensemble. Tito, à l'instant. Children, le remix. Le mix de Ludo. Vendredi et samedi soir, 21h-23h, Sorgi FM. Thank you. flashing light, feeling bold. This colored squares, flashing light, feeling bold. Disco night, colored squares, flashing light, feeling bold. Disco night, colored squares, flashing light, colored squares, flashing light, colored squares, colored squares, colored squares, colored squares, colored squares, colored squares, flashing light, feeling bold. Disco night, colored squares, flashing light, feeling bold. This. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Direction les années 90 pour finir cette émission. Voici Antares. Oh, a ride. Take a ride, take a ride, take a ride on a meteor ride. Little man, he play one, he play knick-knack on my thumb. With a knick-knack, ready, white, give it like a bone. Little man came rolling off. So take a ride, take a ride, take a ride on a meteor ride. Dreams are reality, fucking trip on ecstasy. I'm jamming on the moon, girl, won't you jam a spoon? I want you to breathe the heat, dreams of reality. I wanna take you high, be floating in the sky. I wanted you to see dreams of reality. I'll take you for a ride, ride on the meteorite. I'll take you for a ride, make your trip on ecstasy. I'll take you for a ride, ride on the meteorite. I'll take you for a ride, fucking trip on ecstasy.

Base, c'est plus rapide que ça. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo encore pour... On a quoi, une demi-heure encore à passer ensemble. That tonight's gonna be a good night.

remix. Believer. Ça change, mais c'est bon. Hein. Ici le son des vacances. Ici le son des vacances. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Ah, je vous ai dit, on reste dans les années 90. Hein. Bon, Believer, juste avant, je l'accorde. And now, ladies and gentlemen, les Black Eyed Peas avant aussi, je vous l'accorde. No. Mais ça, ça c'est dans les années 90. Movie Race, Hyper Hyper. Voici Scooter. We need the bass drum. coming straight from out of the dancehall. Eh oui, même celui-là, ils l'ont mis en hardcore. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Bonne nuit à tous et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. Il sera enregistré bien avant. Moi, je serai à Corbono la semaine prochaine. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Vous entendez de la musique en toutes ses selles, c'est moi. Le Mix de Ludo. Ludo in the Mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgier FM. Écoutez ici le son des vacances. Ludo in the Mix. Ludo in the Mix.